À l'occasion du mois de lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, l'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun, l'Association britannique d'études des idées du Tutsi, l'Association d'amitié Grande-Bretagne-Corée et le Comité britannique de solidarité pour la paix et la réunification de la péninsule coréenne ont publié une déclaration commune.